la Maserati. Je sais qu'elle me croit pas. Elle me dit que tu viens faire par là. T'es pas comme les autres, t'as l'air sympa. Un jour tu te perdras dans mes bras. Ah. Oh Marbella, j'ai peur de cette villa. Oh Marbella, je veux pas de cette villa. Et la vallée va les taper para. Au soleil, mon foot bandida. Et la vallée va les taper para. Sacré Marbella. Ah. Elle veut que m'élever. C'est pour ça qu'elle me fait du charme. Soleil et sable doré. Là-bas j'ai vu les plus belles femmes. Mais de l'autre côté, ça fait passer des mètres et des mètres toute l'année. PH de perpille est cramé, l'ouvreuse elle s'est fait péter. L'histoire de trafiquante qui t'ont un jour fréquenté. Je sais qu'elle me croit pas. Elle me dit que tu viens faire par là. T'es pas comme les autres, t'as l'air sympa. Un jour tu te perdras dans mes bras. Ah. Oh Marbella, j'ai peur de cette villa. Oh Marbella, je veux pas de cette villa. Et la vallée va les taper para. Ton soleil mon foot bandida. Et la vallée va les taper para. Sacré Marbella. Ah. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Je te trouve maravillosa. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Maravillosa. Oh Marbella, j'ai peur de cette villa. Oh Marbella, je veux pas de cette villa. Et la vallée va les taper para.